En cours de PSE, je suis bougon, on me traite de nigo, mais je suis juste bougon. En cours de PSE, je suis bougon, on me traite de nigo, mais je suis juste bougon. Je snigo des bougons, je snigo des bougons, je snigo des bougons.